est secret. Dis-moi, qui es-tu? Amour, quand tu m'emballes. Dis-moi, qui es-tu? Parfois tu es amer. Dis-moi, qui es-tu? Amour, qui es-tu? Dis-moi, qui es-tu? Amour, qui es-tu? Dis-moi, qui es-tu? Même si je comprends pas, dis-moi.